Bonsoir à tous, fidèles auditeurs de la radio Sanganiro et bienvenue à cette édition dont voici d'abord les grands titres. Destitution de la ministre du Commerce, sujet du Capitoline Nyonezigiye, était entrée dans cette fonction en remplacement de la ministre Immaculée Ndabanedze. Les services de la kinésithérapie seront gratuitement pendant 5 jours à partir de ce 22 novembre à toute la population en bonus du flambeau de la paix, comme le précise Prosper Bazombanza, le vice-président du Burundi. Vous l'entendrez dans cette édition. La radio Isanganiro fête ses 19 ans sujet du. Le président du CNDH, Commission nationale indépendante de droits de l'homme, apprécie ses programmes. Yvette Nidjumbele est à la présentation de ce journal. Eli Kadogo est assure la mise en onde. Isanganiro. Bonsoir. Madame Capitoline Nyonezigiye n'est plus ministre du Commerce et du Transport de l'Industrie. Elle a été destituée sur décret présidentiel numéro 100/260 de ce 18 novembre 2021. La ministre destituée était entrée dans cette fonction en remplacement de la ministre Immaculée Ndabanedze et avait prêté serment le 21 mai de cette année. Comme je vous l'avais dit en titre, la radio Isanganiro fête ses 19 ans ce jeudi. Silver Nakarutimana, directeur de la radio Isanganiro, dit que la radio a évolué pour le moment, quitte à ouvrir la télévision malgré les défis. Le directeur de la radio Isanganiro promet que cette dernière va continuer à travailler dans le strict respect de sa ligne éditoriale. La manière dont les journalistes de la radio Isanganiro équilibrent l'information et confrontent différentes idées très rassurantes, indique le président de la CNIDH ce mercredi, le 18 novembre, au moment où la radio Isanganiro a célébré ses 19 ans d'existence. Dr Sixte Vigny Nimuraba apprécie les programmes de la radio Isanganiro et invite les journalistes à renforcer les capacités dans le métier de journaliste. Suivez-le. Personnellement, j'apprécie le travail qui est fait par la radio Isanganiro parce que ça fait pas mal d'années que je connaissais qu'il y avait seulement la radio. Maintenant, c'est pas seulement la radio, on a même introduit la télévision, ce qui est une bonne chose. Deuxièmement, je dois apprécier le travail fait par les journalistes de la radio Isanganiro parce qu'ils font la confrontation des idées. Ils font tout le possible pour pouvoir collecter des informations auprès de différentes sources et ça rassure les gens qui vous écoutent. Une autre chose que j'apprécie beaucoup, il y a certaines émissions auxquelles vous invitez des personnes clés selon le thème traité pour le jour. Et ça permet non seulement à la population burundaise d'appeler ou même d'envoyer des messages directement, que ce soit la population qui vit actuellement au Burundi ou même le diaspora. Et ça permet de bâtir un monde d'une réalité que je peux dire indéniable. Pour terminer, je dois dire que ce serait bien que la radio et la télévision Isanganiro puissent renforcer toujours les connaissances des journalistes parce qu'on ne sait jamais, il y a quelquefois des manquements qu'il y ait des formations en cours d'emploi pour que vous puissiez à vous améliorer du jour au jour. Ce serait bien que vous ayez même des formations à l'étranger. Il y a des radios qu'on connaît de renommée internationale, des télévisions de renommée internationale qui pourraient vous aider à pouvoir vous adapter et être à mesure de bien faire le reportage et partager les informations d'une façon vraiment très bonne. Gratuité des services de kinésithérapie à toute la population pendant 5 jours du 22 au 26 novembre courant dans tout le pays. Annonce faite par le vice-président de la République lors de la deuxième journée du flambeau de la paix après l'inauguration des services de kinésithérapie de l'hôpital Karusi. Prosper Mbazombanza a précisé en outre que ces services vont être étendus aux hôpitaux des districts sanitaires dans tout le pays. Suivez-le. Aujourd'hui, sur sa délégation, j'ai eu donc le plaisir de procéder à l'inauguration. Pas mal d'œuvres qui ont été réalisées dans la province de Karoussi et dans la province de Ngozi. Dans la province de Karoussi, nous avons inauguré un service qui n'était réellement visible que dans le seul hôpital, l'hôpital Roi Khaled à Bujumbura, le service de kinésithérapie. Et donc, c'est à l'hôpital de Karoussi que nous avons inauguré ce service de kinésithérapie. Sur des initiatives, sur des efforts de la population locale, en collaboration bien entendu avec le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Et le même ministère a eu l'occasion de procéder à ce que je pourrais appeler un bonus dans le cadre de cette 15e édition, parce que du 22 jusqu'au 26 novembre 2021, tous les hôpitaux de district dans la République du Burundi où il est effectué des services de kinésithérapie kinésithérapie, ces soins, ces services seront donnés gratuitement à toute la population de Manres de ces services. C'est donc un appui de ce ministère, un appui de l'État burundais dans le cadre de la promotion de ces services et dans le cadre d'appui de l'État à sa population, que donc cette gratuité est offerte pendant pratiquement une semaine du 22 au 26 novembre 2021. La digitalisation des données du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture, de l'éval 2022 est l'une des innovations de cette activité, annonce faite par le directeur général ad intérim de l'Institut des études des statistiques et économiques Istebou, ce jeudi lors d'un café statistique sur les innovations et produits de ce recensement. Jean-Claude Sibomana précise que certaines étapes de ce recensement sont déjà en cours. Je propose de le suivre. Il y aura quand même des innovations liées aux produits et d'autres innovations, je dirais, liées à l'approche. Il y a, si vous voulez, le sondage au niveau de l'agriculture, mais aussi il y aura une base agro-pastorale qui sera disponible pour le module agriculture et élevage. Mais aussi, on va s'imprégner sur les déplacés internes et tout autre qui n'étaient pas, si vous voulez, dans le recensement dernier de 2008. Le consultant a souligné qu'il y a, si vous voulez, trois niveaux de ce recensement. Si vous voulez, le comité d'orientation du recensement, il y a aussi le comité technique du recensement, mais aussi il y a un organe d'exécution qui est le bureau central du recensement, qui est un organe d'exécution. Le recensement a déjà commencé. C'est seulement les étapes qui mènent au vrai recensement qui sont en cours d'exécution. Comme vous l'avez constaté, pour le recensement 2008, c'était le recensement sur papier. Mais pour le moment, on va se contenter d'utiliser, si vous voulez, les techniques d'information, de communication sur le recensement, je dirais, et digitaliser. Le gouvernement a déjà affiché sa volonté pour cette activité qui est tout à fait louable. Le gouvernement a déjà décidé qu'il va débloquer chaque année des milliards de francs pour cette activité. C'est vrai que l'organe d'exécution qui est le bureau central de recensement n'a pas été mis en place, mais au niveau du Fonds des Nations Unies pour la population, en collaboration, si vous voulez, avec l'Istebou, il y a une équipe que nous avons appelée Task Force qui essaie de travailler en attendant que cet organe d'exécution soit mis en place. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h passée de 9 minutes dans le studio de la radio Isanganiro, page coopération, les États-Unis d'Amérique viennent de résilier le décret 13-712 de 2015 imposant des sanctions au Burundi. Selon une déclaration de son 18 novembre, le président Joe Biden a affirmé que le Burundi a entamé des réformes que le président Évariste Ndayishimiye a poursuivi et que le Burundi est un pays stable. Page santé, plus de 500 personnes qui ont des troubles mentaux sont déjà identifiées dans la province Bubanza. C'est ce qui a été dit hier au cours d'une réunion de sensibilisation des représentants des confessions religieuses, des représentants des associations, des responsables sanitaires et administratifs. Honorine Ilahunda, la conférencière du bureau diocésain de développement, a appelé toute la population à aider, à assister des gens qui ont des problèmes mentaux, spécifiques Caritas Kavanyana. Les personnes déjà identifiées par les agents de santé communautaire qui ont des maladies mentales sont au nombre de 513, 291 hommes et 222 femmes selon les données disponibles au bureau diocésain de développement dans le projet Twitero Amagara. Ces personnes devraient être assistées et celles qui souffrent de l'épilepsie se comptent à plus de 12 000 personnes. Les gens qui ont des problèmes pareils devraient être assistés selon Honorine Iramunda, la conférencière de la réunion de sensibilisation tenue ce mercredi à Gihanga envers les représentants des confessions religieuses, les représentants des associations, les responsables sanitaires et les administratifs locaux. L'un des participants nous a signifié que les gens qui ont des maladies mentales existent dans les communautés jeunes et adultes. Honorine Iramunda, la conférencière, a indiqué que les patients sont déjà identifiés, du moins de façon provisoire. Il ne reste qu'à les prendre en charge. Les agents de santé communautaire ont déjà identifié certains d'entre eux. Les chiffres sont déjà là. On attend qu'ils commencent à être pris en charge. Je crois que jusqu'à maintenant, au moins il y a 2 infirmiers formés par CEDES, par centre de santé, ici dans la province de Bubanza. Il ajoute que même les médicaments sont disponibles. Les médicaments sont disponibles, mais ils ne sont pas encore arrivés au centre de santé, puisque certains centres de santé ne s'approvisionnent pas en ces médicaments, parce que les Burundais avaient tendance à aller se faire soigner chez le gentil, mais il est temps qu'ils commencent à venir se faire soigner. Étant donné qu'il y a des processus qui sont en cours pour que les médicaments parviennent au centre de santé, nous attendons, mais d'ici peu au moins, ces médicaments seront là. Les communautés devraient assister et prendre en charge les personnes qui ont des problèmes pareils, qui peuvent même être stabilisées sans qu'on prenne des médicaments, selon Honorine Irankunda, Spes Caritas Kabanyana, Ubanza, Radio Isanganiro. Merci, Suez Caritas Kabanyana. Le paludisme attend lancé d'alerte dans le district sanitaire de Muyinga. Le programme national de lutte contre le paludisme y consent beaucoup d'efforts, notamment la pulvérisation intradomiciliaire. Dr Landrine Mogisha, vice-présidente du programme Conseil et la consultation des structures de santé, le bon usage de dispositifs destinés à la lutte contre cette maladie, ainsi que le strict respect des prescriptions médicales. Pierre Claver Balundi, depuis Muyinga. La clinique mobile, l'octroi des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action aux femmes enceintes et aux enfants de 18 mois, ainsi que les pulvérisations intradomiciliaires, ce sont là quelques efforts qui sont consentis dans le district sanitaire de Muyinga pour lutter contre la malaria. Docteur Landrine Mugisha, vice-présidente du programme national de lutte contre le paludisme, en donne les raisons. En faisant l'analyse des données, on avait remarqué une augmentation anormale des cas à partir de la 16e semaine et à côté des activités qui étaient faites au niveau des districts et au niveau des centres de santé. On avait pensé en tant que programme et avec nos partenaires à agir en complément à ces activités qui étaient faites au niveau local. C'est pourquoi les administratifs, ceux qui sont chargés de la sécurité, les représentants des confessions religieuses, les représentants du service de l'éducation ainsi que le personnel soignant se sont mis ensemble, somme et crédit, pour étudier les actions à mener, chacun en ce qui le concerne, pour réduire le nombre de malades du paludisme et des décès irrelatifs. Landrine Mugisha recommande aux femmes enceintes d'aller en consultation prénatale pour bénéficier de la prévention contre la malaria. Il y a des moustiquaires qui sont donnés aux femmes qui viennent en consultation prénatale 1 pour faire la protection de la mère et son enfant. Il y a aussi des moustiquaires qui sont donnés aux enfants qui viennent pour la vaccination contre la rougeole et la rubéole 2. Ça se fait à 18. Elle conseille aussi le bon usage de tous les dispositifs destinés à lutter contre le paludisme, la consultation des structures de santé et d'éviter l'automédication. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci Pierre Claver Barundi. La population burundaise est appelée à se construire des latrines adéquates pour lutter contre les maladies liées au manque d'hygiène. Appel lancé par le ministre de l'Hydraulique à la veille de la célébration de la Journée mondiale des toilettes. Le ministre Ibrahim Ouidzeye demande aux administratifs locaux de sensibiliser la population pour que l'an prochain, il n'y ait plus de familles qui ne possédaient pas de latrines. On l'écoute. Nous interpellons chaque ménage burundais à adopter des comportements adéquats en matière d'hygiène et d'assainissement de base, en se construisant une latrine adéquate et l'utiliser le plus hygiéniquement possible. Nous ne cesserons jamais de le répéter, le développement durable viendra de nous-mêmes et non de l'extérieur. Aucun gouvernement ni organisation non gouvernementale ne viendra se substituer à nous pour nous construire des latrines dans nos familles. Nous saisissons cette occasion pour demander aux administratifs locaux de sensibiliser la population pour qu'elle change de comportement en matière d'hygiène et d'assainissement de base. La résistance antimicrobienne est un défi, tant au Burundi que dans le monde entier. Ça a été dit ce jeudi par un pédiatre, Dr Lionel Dushime, lors d'un atelier de sensibilisation sur le bon usage des antibactériens. Ce docteur appelle les gens à cesser d'automédication et au docteur à prescrire les médicaments en suivant les résultats du laboratoire. On l'écoute. La résistance aux antimicrobiens, c'est une réalité qui est là, un défi à relever. Ce n'est pas seulement dans le contexte national, mais c'est dans le contexte international. Elle existe un peu partout. Quand on parle de bon usage, il y a beaucoup d'intervenants. Certes, dans le premier point, il y a des prescripteurs de ces médicaments. Alors là, on va parler du mauvais usage qui fait naître en soi la résistance aux antimicrobiens. D'autres effets, est-ce que les médicaments qu'on utilise sont-ils efficaces? Du côté de la population aussi, il y a des causes qui peuvent entretenir la résistance antimicrobienne, à savoir surtout l'automédication. Ça entretient également la survenue de cette résistance aux antimicrobiens. Mais ignorant que ce n'est pas toujours le même agent qui a causé ces symptômes. Certes, au Burundi actuellement, il y a des données quand même alarmantes, mais ces données sont encore parcellaires. Ce ne sont pas des données qu'on peut extrapoler au niveau national. C'est dans ce contexte alors que nous interpellons notre gouvernement de mettre beaucoup d'efforts dans la politique de la lutte contre la rame, surtout par exemple si on prenait une décision ministérielle d'interdisant la non-obtention des médicaments dans les pharmacies sans toutefois avoir une ordonnance. Ça, quand même, c'est un exemple que je donne au hasard. Ça empêcherait, quelque part, de façon nette, cette survenue de la résistance aux antimicrobiens. Mais quel est l'état du lieu de la résistance aux antimicrobiens au Burundi? On ne sait pas. Alors, il est encore une fois difficile de se positionner alors qu'on ne sait pas l'état des lieux. Donc, il faut aussi encourager les recherches au niveau de la RAM afin de développer des mécanismes ou bien des mesures y adaptées, donc y relatives. À côté de cela aussi, il faut avoir une politique d'une façon un peu plus générale, une bonne surveillance de cet événement, de cette résistance aux antimicrobiens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le manque de connaissances liées à la santé sexuelle et reproductive et celle de la loi morale sont certaines des causes de vagabondage sexuel chez la jeunesse burundaise d'aujourd'hui, ce qui impacte négativement sur la stabilité de leur ménage dans l'avenir. Propos de Monseigneur Georges Bidimana, évêque du diocèse Ngozi. C'était son mercredi à l'occasion du lancement du projet Imenye du réseau des confessions religieuses de Meshudima qui vise l'éducation sexuelle et procréative chez les jeunes des communes Kayanza et Gatara. Les détails avec Patrick Senguiyumba. Ce réseau d'Indeme Shaouzima est composé par des confessions religieuses dont l'Église catholique, l'Église pentecôtiste et l'Anglican et l'Islam. Ce mercredi, à l'occasion du lancement du projet Imenye qui vise l'éducation sexuelle et procréative chez des jeunes des communes Gatara et Kayanza, Monseigneur Georges Bizimana, évêque du diocèse Ngozi, qui a représenté Monseigneur Bezenzeimana, représentant du réseau, a dans son allocution indiqué que l'infidélité qui se observe dans beaucoup de ménages ces jours-ci prend racine dans le vagabondage sexuel qui a caractérisé certains des conjoints des couples mariés dans leur jeunesse. L'évêque de diocèse Ngozi demande à toutes les parties prenantes en matière de l'éducation de conjuguer les efforts pour aider les jeunes à couper court avec cette pratique de la sexualité, et cela, c'est le lui, pour permettre au pays de gagner une population digne et responsable dans l'avenir. Dans cette même réunion, il était également convié les responsables de l'éducation et de santé dans des communes Gatara et Kayanza. Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation en Kayanza, a indiqué que la province scolaire qu'il dirige est classée parmi celles qui enregistrent beaucoup d'abandons scolaires dus aux grossesses non désirées en milieu scolaire. Il a à cet effet demandé l'intervention de tout un chacun pour éradiquer à jamais ce phénomène qui, selon lui, empêche les jeunes filles scolarisées à se préparer un meilleur avenir. Chongela Célestin, médecin et directeur provincial à Kayanza, a lui indiqué que l'encadrement des jeunes en matière de la santé sexuelle et reproductive est aujourd'hui difficile, d'autant plus que des associations qui appuyaient les centres de santé amis de jeunes ces dernières années n'interviennent plus dans ce domaine. Justine Komezadou Savé, conseillère du gouverneur en Kayanza en charge des affaires administratives et financières, promet que l'administration, conjointement avec les confessions religieuses dans cette province, se prépare à redynamiser l'éducation de la jeunesse qui se détériore du jour au jour. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiwa pour la radio Isanganilo. Merci Patrick Nsengiwa. On va essayer par ici qui prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suivi des programmes de la radio Isanganilo.